Chers auditeurs de Canal B sur antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet, c'est l'asile le plus sûr, le retour après une semaine d'infidélité pour cause d'escapade parisienne. Mais les plus fidèles auront pu entendre une bande d'une heure et demie, voilà, sans parole, la bande Ménardeau, voilà. On commence par une disparition, celle de la Britannique Lindsay Cooper qui a cassé sa pipe la semaine dernière. C'était le 18 septembre, si je ne m'abuse. Lindsay Cooper qui était bassoniste, oboïste, saxophoniste, également claviériste, compositrice. Elle a été membre des groupes Enrico, Comus, National Health dans les années 70. Elle a également collaboré aux côtés de David Thomas dans ses groupes parallèles à Père Ubu et aussi au sein du Feminist Improvising Group. Donc quelqu'un qui a beaucoup compté dans les musiques parallèles. On va attaquer avec News from Babel, un groupe collaboratif dans lequel on pouvait retrouver notamment Zina Parkins, Chris Cutler, Bill Gigonis, également Dagmar Krause ou encore Phil Minton. Je propose d'écouter deux titres enchaînés de ce groupe News from Babel en tirant un grand chapeau donc à Lindsay Cooper qui avait composé l'intégralité de la musique de ce groupe dans les années 80. On écoute le premier album pour démarrer, puis le suivant Sirens and Silences, ainsi que Letters Home qui étaient sortis tous deux sur le label de son camarade Chris Cutler, Recommended Records. Adieu Lindsay Cooper. Thank you. 50 million suns. It's past where my Thomas is underground. Astonishes and opposes. l'instant dans l'asile le plus sûr, on a démarré tout d'abord avec Black Gold et Dragon at the Core, deux titres de News from Babel des années 84-86. Le projet qu'avait écrit Lindsay Cooper en compagnie de tous ses camarades du mouvement Rock in Opposition. On a entendu tout d'abord Dagmar Krause à la voix, suivi par Phil Minton. Robert Wyatt n'était pas loin aussi dans ce projet publié par les bons soins du label Recommended Records. C'était d'ailleurs Chris Cutler qui tenait la batterie et qui officiait au texte, comme pas mal d'autres projets dans lesquels la multi-instrumentiste et compositrice avait participé. Et donc on lui rendait hommage puisqu'elle est disparue la semaine dernière. Donc Lindsay Cooper, très très importante figure des musiques alternatives européennes des années 70, 80 et 90. Elle s'était pas mal éclipsée pour cause d'une longue maladie qui s'était déclarée au courant des années 90 et qui donc l'a emportée. La semaine dernière, s'était enchaînée la musique de News from Babel avec le combo français Les Yeux de la Tête, qui est un trio canet qui existe depuis 1998 apparemment, soit 15 ans au compteur et uniquement 3 disques à leur actif. Le tout dernier, Mosca Violenta, vient tout juste de voir le jour, conjointement en vinyle et en CD grâce aux bons soins des labels Head Records en coproduction avec Rude Awakening et Baboon Fish. Donc il s'agit d'un trio sax, basse, batterie d'inspiration très zouesque, du nom de ce trio jazzcore italien bien connu. Les Yeux de la Tête, qui devraient d'ailleurs changer de nom très prochainement. C'est vrai que le nom était un tantinet pour se faire appeler donc les Mosca Violenta. En tout cas, donc un disque plutôt très très réussi, comme l'était le précédent aussi. Le premier était nettement en dessous, mais donc c'est un trio à suivre de très très près puisqu'ils sont dans une pente très ascendante. On continue toujours un peu dans le côté Rock in Opposition, comme on a démarré l'émission de cette semaine, avec le retour d'un combo progressif québécois qui lui a 33 ans de carrière. Il s'agit de Myriodor, mené par le guitariste Bernard Falaise, qui je crois lui a participe au groupe depuis les années 90. Les membres vraiment historiques sont le claviériste Pascal Globenski ainsi que le batteur René Leclerc. Donc c'est le premier album de la décennie 2010 pour Myriodor. Il sort comme de juste chez Cuneiforme ces jours-ci en CD vinyle et cassette. Il s'intitule Copra Fakir et je propose d'écouter le morceau Paris-Roubaix. Alors je ne sais pas trop ce que ces Québécois connaissent à l'enfer du Nord, mais on va pouvoir s'en faire un aperçu avec ce titre et un autre enchaîné de Myriodor. l'instant sur Antenne du 94 MHz, on a entendu deux combos qui n'avaient pas grand chose à voir l'un de l'autre. Tout d'abord, les circonvolutions des Québécois de Myriot d'Or et leur nouvel album Cobra Fakir, sorti comme de juste sur le label américain Cuneiform, moi qui a édité leur cet album précédent, et donc également celui-ci. Donc ça fait partie de la livraison de rentrée du mois de septembre octobre de Cuneiform qui sort à rythme régulier toujours au mois de janvier, mai, septembre chaque année, une demi-douzaine de très très beaux disques comme donc ce Cobra Fakir du combo de Bernard Falaise et ses camarades de Myriot d'Or, toujours très très post-rock in opposition. On reconnaît une patte musicale entendue depuis les 20-30 dernières années du côté des musiques de traverse et un peu post-prog, mais de très très bonne facture comme toujours pour ce combo québécois qui était enchaîné avec un trio de Brooklyn qui répond au nom de Down of Midi, l'album Dysnomia sorti au mois d'août 2013 sur le label Thirsty Ear. Il s'agit d'un tout premier disque pour ce jeune trio composé de musiciens qui jouent sur des instruments acoustiques, même si leur musique s'apparente aux musiques électroniques et répétitives. On y retrouve le bassiste Akask Israni, le percussionniste Kassim Naki et le pianiste Amin Beliamani. Donc une musique qui a aussi des origines marocaines et indiennes pakistanaises pour ce trio de Brooklyn qui pratique une musique fractale algorithmique de très très bonne akabi. Je ne peux que vous conseiller chaudement ce Dysnomia avec tout un tas de titres enchaînés de très très très bon goût du côté des musiques électroniques et répétitives. On continue avec un projet cette fois-ci hexagonal. Il s'agit de Chicaloyo. Chicaloyo qui est le projet solo de la chère bourgeoise Alice Dourlain ou Dourlaine qu'on a connue dans le duo Folle Église qui publie donc son premier album sous le nom de Folie Sacrée sorti en vinyle ce mois-ci grâce aux bons soins de monsieur Bartholomé Sanson et de son label bruxellois Shelter Press. Donc après avoir déménagé du carré rennais et donc avoir changé de nom, cet ex Kagumi continue à produire des choses d'assez bon goût comme ce Folie Sacrée qui est une musique plutôt d'inspiration un peu mystico post 70. On pense beaucoup à Nico, à Popol Vuh, également aussi à Groupe pour les projets un peu plus contemporains pour la musique de cette chère bourgeoise. Ça a été enregistré d'ailleurs au mois de septembre comme de juste dans le fameux studio de Saint-Pierre-l'Église à Cherbourg. On écoute un titre de ce Folie Sacrée, le morceau A Man in a Street par Chicaloyo. Thank you. Once there was a boy called Jahan. Once there was a boy called Jahan. Who had a wicked father. Who had a wicked father. Who sailed on a ship. Who sailed on a ship. A ship called Donker. A ship called Donker. It was a big ship. It was a big ship. His wicked father said one day. His wicked father said one day that Jahan. Jahan should be a slave on his ship. Should be a slave on his ship. And do all the work for him. And do all the work for him. So the next morning, Jahan went to the harbor to sail away. Jahan went to the harbor to sail away. Once they were out at sea, his father said, "Start cleaning the deck." Once they were out at sea, his father said, "Start cleaning the deck." While Jahan was cleaning the deck, Jahan was cleaning the deck, his wicked father, drank whiskey with his crew. Drank whiskey with his crew. Then Jahan saw an island. Then Jahan saw an island. So Jahan swam to the island. Jahan swam to the island. But his father saw him and got him while he was just finished his bottle of whiskey. That night there was 11-foot high waves. There was 11-foot high waves. And his father said, "You will sleep on the deck." On the deck. Then Jahan said, "I will not sleep on the deck." Then Jahan said, "I will not sleep on the deck." "Oh yes, you will," said his father. "Oh yes, you will," said his father. "Oh no, I won't," said Jahan. "Oh no, you won't," said Jahan. In a rural voice. In a rural voice. But his father said his he would. Father said he would. In that night, it come down, and Jahan swam to the island. But his father had tied a rope to his leg. Had tied a rope to his leg. And Jahan could not get there. And Jahan could not get there. Thank you. Sur l'antenne du 94 MHz dans l'asile le plus sûr, vous avez pu entendre un extrait de La Folie Sacrée de Chicaloyo, mademoiselle Alice Dourlen alias Chicaloyo, et son premier LP plutôt réussi, sorti sur Shelter Press à la mi-septembre. Donc elle était d'ailleurs en tournée ce mois-ci, enfin ces jours-ci, en Angleterre et aussi aux États-Unis en compagnie de son camarade High Wolf. Je crois qu'il jouait hier soir 22 septembre en compagnie de Sun Arrow à Los Angeles. Et la musique de Chicaloyo était enchaînée avec celle de l'écossais Richard Youngs. Les habitués de l'asile le plus sûr ne sont pas sans savoir le dévouement que je prête à la musique, que je porte à la musique de ce musicien de Glasgow, très très très très prolixe depuis les années 80, dans tout style confondu, musique expérimentale, musique folk, de folk XP, drone, musique contemporaine, j'en passe, et des meilleurs. Cette fois-ci, il revient avec un album de musique country sous le titre Summer Through My Mind, ou plus exactement sa manière de revisiter la country music, le label Badabing qui publie cette galette vinylique lui a demandé un album de country, donc c'est sa façon d'interpréter cette musique. Le titre qu'on entendait, c'était une sombre histoire, The Story of John, qu'il interprétait en compagnie d'un acolyte américain dont je ne retrouve plus le nom, pardon. Voilà, donc il avait invité sur cet album, et sur les autres titres on le retrouve en solo à la slide guitare et autres guitare picking, dans une musique où on le reconnaît avec pas mal des multipistes de sa voix. Et c'était enchaîné avec le titre qu'on vient juste d'entendre avec le disque de Bill Orcutt, History of Everyone, qui vient de sortir sur le label Imego. Bill Orcutt, qui est plus connu comme guitariste du combo noise de Miami Harry Pussy, et qui depuis quelques années se fait connaître aussi par son style très inspiré par John Fahey et autres, Derek Bailey, donc un style guitaristique à la Jack Rose ou post-Jack Rose, comme sur cet album excellentissime, A History Theory of Everyone. Il y a également un autre disque qui est sorti en début d'année en compagnie de Chris Corsano, qui là est beaucoup plus bruitiste noise, sous le titre The Raw and the Cook. And the Cooked. Voilà. On continue avec la musique de Sylvain Chauveau et un tout nouvel album apparaître le mois prochain à la mi-octobre sur le label parisien Brocoli. Il s'intitule Kogetsude et je propose d'écouter un titre où on va reconnaître de son style assez inimitable à Sylvain Chauveau. C'est le morceau The Most Beautiful Music, extrait de ce Kogetsudai. Toujours une musique très influencée par le silence pour Sylvain Chauveau. The landscape has changed beyond recognition. And the clock can be turned back. A horse has bolted and there's no way of getting it back. To the stable, is it the heater whistling? Unrefined now. The most beautiful music. Has the most tenuous notes. Fail better, fail better. Thank you. Et oui, il est enfin là, le nouvel album de Neil Campbell, alias Astral Social Club. Il s'intitule Electric Yip. Oui, yep, c'est sorti sur le label Transmap en vinyle et c'est un album qu'on attendait puisqu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles de Neil Campbell et de ses différents projets depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'il publie beaucoup beaucoup en CDR et par des moyens assez artisanaux. Là il s'agit d'une musique nettement plus ambiante que les précédents albums qu'il avait pu produire, qui avait un côté un peu plus trans-dronesque avec toujours cette texture de son électronique triturée dans tous les sens. Donc Astral Social Club et l'album Electric Yep. Pas mal d'autres projets ces derniers temps aussi pour Neil Campbell, notamment un trio en compagnie de Oren Amberchi et Mike Flower. Il continue aussi de se produire assez régulièrement avec ses anciens camarades britanniques, donc tels que Mick Flower et Vibra Cathedral Orchestra, qui renaît régulièrement de ses cendres pour différents festivals en Europe. Donc peut-être un album en vue un de ces jours de ce côté-là. Juste avant, il s'agissait de Sylvain Chauveau et un extrait donc de son album très prometteur apparaître le mois prochain sur le label Brocoli sous le titre Kogetsude. Donc label Brocoli du duo Minitza, qui a fait paraître également un nouveau disque, le troisième en date. Ça sort ces jours-ci et vous pouvez d'ailleurs écouter un titre sur, par exemple, le site brocoli.org. On va continuer avec du jazz une fois n'est pas coutume, et la musique du saxophoniste Darius Jones en compagnie du bassiste Adam Lane et du batteur Vijay Anderson. D'ailleurs c'est le trio du bassiste Adam Lane Trio. L'album s'intitule Absolute Horizon. Il est sorti sur l'excellent label de Vilnius No Business, qui produit des CD et vinyles à un rythme assez régulier dans le domaine du jazz contemporain et post-free. Je propose d'écouter un titre assez long de ce trio d'Adam Lane, Absolute Horizon, le titre Run to Infinity. Que la saxophone est un peu au jazz ce que la guitare est au rock. On a pu entendre juste à l'instant une pièce de solo absolu sur cet instrument par le Malaisien Yong Jansen. L'album s'intitule Disillusion. Il est sorti sur Doubtful Sounds, excellent label grenoblois, si je ne m'abuse. Donc Jansen, qu'on a pu connaître notamment au sein du collectif Experimental Music and Artist Cooperative Malaysia, également dans le combo Klang Mutationen, qui avait sorti des disques plutôt pas mal il y a de ça quelques années, notamment sur le label de Noise Utech Records. En tout cas, son jeu de saxophone est très très furieusement inspiré par celui d'Albert Heller. Très très beau disque Disillusion par Jong Jansen. Juste avant, il s'agissait du saxophoniste Darius Jones, qu'on entend beaucoup ces dernières années. Depuis le milieu des années 2000, ce musicien new-yorkais se fait entendre notamment au sein du quatuor Little Women, de sax, guitare, batterie, entre jazz free et free rock, de très très très bon goût. C'est quelqu'un qui a joué aussi aux côtés un peu de tout le gratin, William Parker, je vais pas tous les faire. On l'a entendu notamment aussi récemment dans un disque de Gerald Clever, son projet Black Host, que je vous avais proposé aussi dans l'asile le plus sûr d'avant l'été. Et là, il s'agissait donc d'un trio, d'un bassiste Adam Lane, et l'album Absolute Note Horizon, sorti sur le label lituanien No Business Records, et le batteur était Vijay Anderson. Quelques petites annonces concerts avant de se quitter. Deux concerts cette semaine au Café La Bascule. Le retour de Cafioul à La Bascule ce mercredi 25 septembre avec deux formations. Les Italiens de Yo Moned Stanka qui viendront présenter j'imagine leur tout nouveau disque paru au début de l'été. Ils seront en compagnie des Français ou du Français 202 Project, qui est nettement plus frontwave. Les Yo Moned Stanka, c'est une musique noise très cafioulesque, celle-là. Donc ce sera mercredi 25 pour 6 euros. Il y aura aussi une soirée samedi, également au Café La Bascule, organisée par l'association Youpsa avec Horst Dunoch et Hélène Vox pour de l'improvisation primitive, contrebasse et chant, tout ça pour 3 euros. On se quitte avec un dernier titre, de musique électronique improvisée avec une petite côté comptine sur les bords, en tout cas sur le titre qu'on va entendre de cet album qui sort en CD au mois d'octobre sur le label français Bascarou, label dédié aux expérimentations sonores et électroniques. Il s'agit d'un trio qui réunit Toshimaru Nakamura, Ken Ikeda et Tomoyoshi Date, donc entre Field Recordings et différentes fréquences expérimentales électroniques. Un disque vraiment très réussi, ce Green Heights, dont on va écouter la pièce Balcony Number 2. Il me reste à vous souhaiter une très bonne nuit et une bonne semaine à l'écoute du 94 MHz. À bientôt. Thank you.